L'ambassadeur norvégien Jan Ole Glepstad, qui a présenté ses lettres de créance à Kim Jong-nam, président du présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, a rencontré du 20 au 24 juin le vice-ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur chargé des droits de l'homme et autres fonctionnaires coréens intéressés. On a échangé au sérieux des points de vue sur la situation actuelle de la péninsule coréenne après la discussion du problème de développement des relations bilatérales conformément aux intérêts communs des peuples de deux pays. Notre côté a dit « La principale cause de l'aggravation de la situation dans la péninsule coréenne réside dans l'hostilité américaine et la menace nucléaire des États-Unis sur la République populaire démocratique de Corée. » La détente et la préservation de la stabilité sont impossibles seulement à l'aide de notre effort unilatéral. La témérité des États-Unis qui continuent à introduire les biens stratégiques dans la péninsule coréenne et à ses environs ne fait que nous stimuler à prendre de nouvelles mesures plus puissantes pour renforcer davantage la dissuasion nucléaire de façon qualitative et quantitative. Récemment, les États-Unis ont déplacé encore dans la péninsule coréenne le sous-marin à propulsion nucléaire Mississippi. Ils éprouveront amèrement que c'est une décision très légère et très erronée sur le plan stratégique. Le côté norvégien a souhaité l'élimination de la méfiance entre la Corée et les États-Unis et la solution du problème nucléaire.